Carlo est italien. Carla est italienne. Il est informaticien. Elle est informaticienne. Il est végétarien. Elle est végétarienne. Blanco est beau. Blanca est belle. Il est gentil. Elle est gentille. Il est vieux. Elle est vieille. Il est blanc. Elle est blanche.